بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل دراستنا بحول الله جل وعلا، سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد. وهذه الدراسة في شروط وآداب وفوائد الدعاء وفوائد الدعاء. Donc on va continuer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce jour du mois béni du Ramadan, on va continuer, inshallah, sur notre étude des conditions et du comportement et des bienfaits de l'invocation. Et donc, dans la dernière assise, on avait commencé, par la grâce d'Allah, d'étudier les conditions pour l'exaucement des invocations. Et donc, ici, ces conditions sont importantes lorsque le croyant invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'il y a des conditions pour l'exaucement de ses invocations et de ses implorations. C'est pour cela que le musulman doit connaître cela, et c'est un sujet qui est d'une immense importance. Pourquoi ? Puisque, comme vous savez, il y a des moments en plus qui sont propices pour l'exaucement de nos invocations. Et surtout, dans ce contexte, en période du mois du Ramadan, pendant ce mois béni, alors il est propice d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont des moments propices en ce mois béni du Ramadan pour l'exaucement de nos invocations. Donc c'est pour cela que le musulman, pour lui, c'est une occasion, ce mois béni est une occasion pour qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il redouble d'efforts dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un mois propice où les invocations se voient exaucées de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc à l'origine, Allah répond à l'appel de ses serviteurs, à l'origine Allah exauce les demandes de ses serviteurs, mais Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des moments, nous a donné des occasions où il est propice de l'invoquer, et ces invocations sont ce qu'on appelle mustajab. C'est des invocations qui sont exaucées. Donc c'est pour ça qu'il est important d'apprendre quelles sont les conditions justement menant vers la réalisation de cela. Et donc la fois dernière, dans la dernière assise, on avait commencé la première condition que nous mentionnent les savants. Alors, pour voir nos invocations, pour qu'elles soient exaucées, premièrement, il faut qu'elles soient orientées et dirigées vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala directement, comme on a explicité cela dans la dernière assise. Et cela sans prendre d'intermédiaire ni d'intercesseur, mais lui demander directement subhanahu wa ta'ala. Et donc, le croyant doit être conscient de cela, c'est pour cela qu'on a insisté sur ce fait. Le fait que de toujours croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de nous. Et Allah nous dit dans le verset, comme on l'avait stipulé la fois dernière, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah nous dit qu'il est proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et j'exauce, je réponds à la demande de celui qui invoque lorsqu'il invoque. Traduction relative du sens rapproché du verset. Et donc, il faut que le serviteur ait toujours conscience, toujours à l'esprit que son Seigneur est proche et il répond aux demandes. Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi et je répondrai à votre demande, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un ordre de la part d'Allah lorsqu'il nous dit Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, invoquez-moi et je répondrai à votre demande. C'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit fa'idha sa'alta fas'alillah. Et si tu demandes, demande à Allah. Wa idha sta'ant fasta'in billah. Et si tu recherches l'aide, l'insistance, alors recherche cette aide et cette assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez le récit du prophète aussi. Est clair et le sens est clair et apparent que le prophète sallam nous dit وإذا سألت فاسأل الله et lorsque tu demandes demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a aucune confusion et ça laisse aucune place à une ambiguïté, à une confusion, une mauvaise compréhension. Le hadith est clair, le prophète nous dit si tu demandes demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu recherches l'aide, recherche-la auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez dans un hadith, et ce hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par l'imam Tirmidhi et il est jugé authentique par Al-Shaykh Al-Albani. Et regardez dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit Wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'a Allahi ahada, fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez personne en dehors de lui. Ou n'invoquez personne avec lui. Regardez, ce verset aussi est clair. Le sens est clair. Ça ne laisse aucune place à l'ambiguïté ou à la confusion. Allah Jalla wa'ala nous dit que Al-Masajid lui appartiennent. Fala tad'u, n'invoquez personne. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le verset 18 de la sourate, les djinns. Et donc, ça, c'est. On refait ce rappel-là. Pourquoi? Parce que c'est une condition primordiale. Parmi les conditions primordiales pour l'exaucement à nos demandes, à nos invocations. Donc, ça, c'était la première condition qu'on a évoquée la fois dernière. La deuxième condition, on a dit que an yakuna masdar rizq ad-da'i halalan wal hirs 'ala iktisab ar-rizq al-halal wa hadha min sifati 'ibadillahi as-salihin wa 'ibadillahi al-mukhbitin wa awliya'ihi al-muttaqin. Et donc les savants nous disent que parmi les conditions pour l'exaucement de nos demandes, il faut que notre subsistance, nos biens, que la source provienne, ou plutôt que ces biens proviennent d'une source halal, licite. C'est-à-dire que la provenance de notre argent, de nos biens, de ces biens par laquelle, avec laquelle on vit, on se nourrit, alors il faut que sa provenance soit d'une source licite. Il ne faut pas s'abreuver, il ne faut pas s'alimenter de haram, de choses illicites. Et ça, c'est les qualités, les caractéristiques des serviteurs pieux, des serviteurs d'Allah, doués de piété. Wa ibadallah, wa awliya'ihi al-muttaqin, de ses alliés pieux et vertueux qui sont craintifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une condition très importante que notre alimentation, que notre boisson soit halal. Qu'on s'abreuve de halal, que notre boisson, ce qu'on boit, soit halal, licite, que notre nourriture soit licite, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il faut regarder. إذا كان مصدر دخل الإنسان حرام وفيه شبهة من الحرام ولم يتخلص العبد من هذا الحرام. Et donc, il dit فإن الدعاء, les savants nous disent فإن دعاءه لا يرفع ولا يقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان من اكتسب حراما يطير السفر يطيل السفر ويرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له أو لذلك. Et donc, cette condition-là, on la retrouve mentionnée et clarifiée dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un récit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne l'exemple d'une personne en voyage, du voyageur. Du voyageur, et qui lève ses mains. Donc, imaginez-vous ce voyageur, tout poussiéreux, dans un état de voyage, et il lève ses mains. Il lève ses mains vers le ciel pour invoquer Allah. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors qu'il lève les mains vers le ciel, il dit, Ya Rab, Ya Rab, au Seigneur, au Seigneur. Alors que sa nourriture, wa mat'amu haram, sa nourriture est interdite, est illicite, haram. Et sa boisson est haram, est illicite. Et ses vêtements sont illicites. Et il s'alimente de l'illicite. Comment un tel serait-il exaucé? Donc vous avez vu ici cette condition-là. Ici, c'est que le croyant doit faire attention de la source de ses biens, de la provenance, que cette provenance soit halal. Et si la personne a une ambiguïté, ou si la personne sait que ses biens proviennent d'une source interdite, alors il doit remplacer cela. Et donc, il doit purifier ses biens et chercher les moyens licites, purs et bons pour obtenir et acquérir ses biens et sa subsistance. C'est ce qu'on appelle l'iktisab al-halal. L'iktisab al-halal. Et donc, s'il voit que la provenance est haram, alors il doit remplacer cela. Et les savants, justement, nous mentionnent que celui qui remplacera une chose, qui délaissera une chose pour Allah, Allah lui donnera mieux. Allah lui donnera mieux, comme cela est mentionné dans un récit, conformément à hadith, « Man taraka shay'an lillahi, awadahu Allahu khayran minhu. » Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah remplacera cela, lui donnera en échange mieux que cela. Et donc ça, c'est très important. Donc cette condition-là, c'est d'être conscient, attentif, faire attention à la provenance, à la source d'où proviennent ses biens. Et donc de chercher sa nourriture, son alimentation, sa boisson dans le halal, dans le halal. Troisième condition qu'on peut retrouver, que nous mentionnent les savants, une condition importante, tajannub al-istirjal. فإنه من آفات الدعاء التي تمنع قبول الدعاء كما جاء في الحديث يستجاب لأحدكم من لم يعجل يقول دعوت فلم يستجاب لي رواه البخاري ومسلم. Là, parmi les conditions qu'on retrouve, on pourrait la citer en troisième condition pour faciliter, le fait d'éviter de s'empresser, d'éviter d'être pressé. Pourquoi? Parce que les savants nous enseignent que cette précipitation-là, eh ben, fait partie de afat du'a, des fléaux de l'invocation, des empêchements pour l'exaucement et l'acceptation de ces invocations. Alors c'est pour cela qu'il faut faire attention à cette mauvaise précipitation. Et cela est prouvé, est énoncé dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté dans les deux authentiques, aussi bien dans l'authentique de l'imam al-Bukhari comme aussi bien dans l'authentique de l'imam Muslim. Et dans ce récit justement, il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les prières soient sur lui, disait yustajab li ahadikum ma lam yu'ajjil. Il est exaucé, la demande de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas, tant qu'il ne s'empresse pas. Yaqul, il dit, j'ai invoqué de Aoutou Falam Yustajabouli. Il dit, j'ai invoqué, mais je n'ai pas eu de réponse à ma demande. Et là, vous pourrez comprendre que dans cet énoncé, dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez ici le sens de l'istirjal. En arabe, on appelle cela l'istirjal. Et donc, il faut faire attention à l'istiadjel pour l'exaucement de nos invocations. Qu'est-ce que l'istiadjel? Que j'ai traduit d'une manière littérale et rapprochée par l'empressement, la précipitation. Ne pas se précipiter et s'empresser. Quel est le sens de cela? C'est le fait de dire, lorsqu'on a invoqué Allah, on a demandé à Allah, le fait de dire, j'ai invoqué Allah, mais je n'ai pas eu de réponse. C'est ça le sens. C'est ça le sens de l'istiadjel, de la précipitation. C'est le fait d'invoquer et ensuite de dire, j'ai invoqué Allah, mais je n'ai pas eu de réponse. Et donc, ce sens-là, eh ben, il est mentionné dans le hadith du prophète, sallam, et c'est de cette manière que nous l'enseignent les savants et expliquent cela les savants. C'est pour cela, dans un autre hadith, qui va confirmer et clarifier ce qu'on vient de citer, dans un hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, le clair hadith 2736, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yazal yustajab lil abd ma lam yad'u bi ithm aw qati'at ar rahim ma lam yata'ajjal qila ya rasul Allah wa ma al istijal ma al istijal يعني قالوا يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي أو فلم أرى يستجيب لي فيستحصر عند ذلك ويدع الدعاء. Donc regardez ce hadith est très exhortant et le sens est clair. Et là, on va vraiment voir le sens de l'istirjal. Quel est le sens de la précipitation? Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le serviteur, son invocation ne cessera d'être exaucée tant qu'il n'invoque pas, il n'implore pas, il ne demande pas un péché. Tant qu'il n'invoque pas pour un péché. Et tant qu'il n'y a pas une rupture d'un lien de parenté. La yazal yustajab li abd ma lam yad'u bi ithm aw qati'a rahim. Et aussi, tant qu'il ne se précipite pas. Donc regardez dans ce hadith, ce prophète en somme nous enseigne un enseignement profitable et très important, qui est capital pour nous, en matière d'invocation. Donc le prophète, il dit que le serviteur, il ne cessera de lui être exaucé ses demandes. Donc ses demandes ne cesseront d'être exaucées tant que, premièrement, il n'implore pas un péché. Deuxièmement, tant que ce n'est pas pour la rupture d'un lien de parenté. Et troisièmement, tant qu'il ne se précipite pas. Alors les compagnons, qila ya Rasulallah, wa mal isti'ajal. Et les compagnons, alors, ils ont demandé au messager d'Allah, mais qu'est-ce que la précipitation? Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, c'est le fait de dire, قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. C'est le fait de dire, j'ai certes invoqué et certes invoqué et je n'ai pas eu de réponse. Et je n'ai pas vu qu'il m'a été répondu. Alors ensuite, cela va le mener à délaisser l'invocation. Et ça, c'est le hadith du prophète, ensemble. Donc, ce hadith est authentique. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Donc, vous avez pu voir, à travers la mention de ce hadith, qu'il y a là l'explication du sens de la précipitation. Le fait de s'empresser et d'être pressé. L'empressement ici dans l'invocation. Quel est le sens de cela? C'est le fait que lorsqu'on invoque Allah, on lui a fait des demandes et on n'a pas encore vu la réponse. L'exaucement de cette demande, alors on commence à s'impatienter et dire j'ai invoqué mais je n'ai pas eu de réponse. Eh bien ça, c'est un empêchement pour l'exaucement de l'invocation. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans cela. C'est pour cela que les savants, ils ont dit parmi les empêchements pour l'exaucement de l'invocation, donc ça fait partie des choses à faire attention, partie des privations, ils ont dit tajannub al-istirjal. Donc il faut s'écarter. S'écarter de cette précipitation, de cet empressement. Vous pouvez garder le terme en arabe, l'istirjal. Et donc, on a dit ça fait partie des fléaux. Et à cause de cela, le serviteur voit ses invocations non exaucées. Parmi les conditions que nous donnent les savants, et pour faciliter l'apprentissage de cela, on pourra la mettre en quatrième condition. Parmi les conditions que nous donnent les savants, en la yakuna du'a fihi ithm, wa la qati'a, comme fait le hadith as-sabiq. Donc, parmi les conditions, il ne faut pas que ces invocations renferment des invocations menant à péché, ou pour un péché, ou bien pour la rupture d'un lien de parenté, comme ça a été précisé et précédé dans le hadith qu'on vient de citer, dans le hadith qu'on vient de citer. Mais dans le hadith qu'on vient de citer, dans le sujet qu'on était en train de traiter, l'élément illustrant, c'était concernant le sens de la précipitation lors de l'invocation. Et là, dans cette condition-là, pour ne pas voir ces invocations ne pas être exaucées, alors il ne faut pas invoquer pour un péché. Ou bien que cette invocation renferme la rupture d'un lien, invoquée pour la rupture d'un lien de parenté. Donc ça, c'est des conditions qu'ont données les savants, et cela conformément au récit de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étudié précédemment. Parmi les conditions, ici cinquièmement, husn al-dhan billahi azza wa jal. Husn al-dhan billahi azza wa jal. Garder une bonne pensée envers notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Avoir toujours une bonne pensée, un bon préjugé, un bon soupçon envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Et ça, conformément à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'Allah a dit: Ana inda dhanni 'abdi bi. Ana عند ظن عبدي بي. Et ce hadith est rapporté par Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et ce hadith-là, écoutez bien, ce hadith-là est d'une immense importance. C'est un hadith qui est énorme. Le prophète nous dit qu'Allah a dit. Qu'Allah a dit dans une traduction approchée de la parole d'Allah, Ana عند ظن عبدي بي. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Et ça, c'est ce hadith-là renferme un fondement, une base essentielle de notre croyance. Gardez toujours un bon soupçon, une bonne pensée envers le Créateur, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves que subisse le serviteur, il doit toujours garder une bonne pensée envers son Seigneur. Et c'est ça. Ici, les signes d'une bonne croyance. C'est ça les signes et c'est ça la force du croyant. Il doit toujours garder une bonne pensée envers son Seigneur. Pourquoi? Parce que les mauvais préjugés, les mauvais soupçons et les mauvaises pensées envers le Créateur, ça, c'est les sifats, c'est les caractéristiques des hypocrites. C'est les caractéristiques des hypocrites et des non-croyants. Le fait de garder, d'avoir un mauvais soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est les caractéristiques des polythéistes du temps de l'Jahiliya, du temps pré-islamique. Et c'est pour ça que le croyant ne doit pas se doter de ces caractéristiques, de ces mauvaises caractéristiques, ces caractéristiques du temps de l'Jahiliya. Pourquoi? Parce que ça, c'est prouvé dans un verset où Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, yadhunnuna billahi ghayra al-haq dhanna al-Jahiliya. Et ils pensent au sujet d'une traduction approchée du sens du verset. Et ils pensent au sujet d'Allah. Ce qui n'est pas conforme. Et ce qui n'est pas la vérité, غير الحق. يظنون بالله غير الحق. Ils pensent au sujet d'Allah ce qui n'est pas la vérité. ظن الجاهلية, la pensée du temps pré-islamique, la pensée de l'époque de الجاهلية, Allah nous dit. Donc cette pensée-là, le fait de penser mal, d'avoir de mauvaises pensées au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des caractéristiques qu'avaient les polythéistes du temps de الجاهلية. Et c'est aussi, comme il nous est mentionné dans le Coran, il nous est mentionné aussi ces caractéristiques aussi. On apprend dans un verset que ces caractéristiques des hypocrites. Donc les hypocrites pensaient mal au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, le croyant, il est tout à l'inverse. Le croyant, lui, c'est tout l'inverse. Le croyant, lui, toujours, il garde une bonne pensée au sujet d'Allah. Et c'est pour cela, regardez, ce hadith est immense, c'est une base essentielle de notre croyance. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et moi je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Regardez, subhanallah. Allah est selon l'opinion que son serviteur se fait de lui. Les savants nous expliquent cela, c'est-à-dire, si le serviteur pense du bien au sujet d'Allah, il trouvera du bien auprès d'Allah. Mais à l'inverse, si il a des mauvaises pensées, il pense mal au sujet d'Allah, alors il trouvera ce qu'il a pensé. Il trouvera auprès d'Allah ce qu'il a pensé. C'est pour cela que ça, c'est très important. Ce qu'on pense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on le trouvera auprès de lui. Alors, pensez bien au sujet d'Allah, on trouvera le bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'une traduction rapprochée de la parole de notre Seigneur dans ce récit divin, et ce récit est rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam muslim. Et donc ce récit est authentique. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Donc de ce fait, il faut toujours garder une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à titre de rappel, surtout, cela se confirme et se précise, comme les savants nous l'enseignent, surtout avant de mourir. يتأكد قبل الموت, عند الموت. C'est pour cela que, avant de mourir, le serviteur doit toujours garder une bonne pensée au sujet d'Allah. Pourquoi? Parce que le prophète sallam nous a enseigné qu'il faut mourir, il faut quitter cette vie d'ici-bas avec une bonne pensée au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Et pour cela, les savants nous enseignent, avant de mourir, عند الموت, il faut faire emporter le côté espoir, l'espérance. Pourquoi? Parce qu'on est toujours entre deux sentiments importants, deux adorations importantes, et on doit équilibrer toujours entre ces deux adorations, qui sont la crainte et l'espoir. La crainte et l'espoir. Et ça fait partie des piliers de l'adoration, d'adorer Allah avec crainte et avec espoir. Et on doit équilibrer toujours entre l'espoir et la crainte. Pourquoi? Parce que l'espoir nous fait espérer en la miséricorde d'Allah. Et ça nous mène toujours, eh bien, à espérer sa miséricorde. Et la crainte d'Allah, ça nous mène justement à éviter d'accomplir les péchés. Lorsqu'on est face à une désobéissance, eh ben, notre crainte qu'il y a en nous-mêmes, le fait de craindre Allah, ça va nous empêcher de commettre la désobéissance. Et l'espoir nous permet de rechercher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'espérer en cela. Donc il faut toujours équilibrer comme les deux ailes d'un insecte. Et de ce fait, les savants nous disent, par contre, il y a des moments. Comme par exemple ce moment-là bien précis, ce contexte-là, une personne alors qu'il subit les affres de la mort avant de mourir, il doit faire emporter le côté espérance, l'espoir. L'espoir en la miséricorde d'Allah. Ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que cela va l'aider à garder une bonne pensée au sujet de son Seigneur. Et justement, il faut mourir avec une bonne pensée au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour cela que parmi les choses qu'il faut faire, lorsqu'une personne est au chevet ou bien subit l'agonie de la mort, les affres de la mort, alors le faire espérer. Le faire espérer. Et faire en sorte qu'il quitte ce monde avec une bonne pensée au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour résumer, cette cinquième condition, c'est d'avoir la bonne pensée au sujet d'Allah. Donc ça, en réalité, c'est un long sujet. Les savants ont écrit des livres sur ce sujet. Et donc ça serait le sujet qu'on peut faire. C'est un long sujet qu'on peut traiter dans une conférence entière dédiée et consacrée à ce sujet. Mais comme là, on résume, Inch'Allah. Donc ça, c'est une condition. Et justement, cette condition-là va nous mener à quelque chose d'important, d'avoir une bonne pensée au sujet d'Allah. Ça nous mène à quelque chose d'important ici, de savoir que les invocations donc sont exaucées et d'avoir toujours cela à l'esprit, qu'Allah exauce nos invocations. C'est pour cela que parmi, et on pourrait prendre en sixième condition, parmi les conditions que nous enseignent les savants pour l'exaucement de nos invocations, أن يدعو العبد وهو مقبل بقلبه على الله عز وجل متيقن بأن الله سيستجيب له دعاءه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة رواه الترمذي وحسنه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. Parmi les conditions pour l'exaucement de nos invocations, là les savants nous enseignent que le serviteur, lorsqu'il invoque, donc son cœur se dirige, s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala, et cette condition est qu'il doit être certain et être convaincu qu'Allah jalla wa ala va lui exaucer sa demande. Va lui exaucer sa demande. Et ça c'est très important. C'est très important. Combien de gens, lorsqu'ils invoquent, ils ne sont pas certains et ne sont pas convaincus qu'Allah va répondre à leur demande. Ils ne sont pas convaincus que leur demande sera exaucée. Alors si la personne commence de cette manière à invoquer, mais il ne sait pas, mais il est hésitant, il n'est pas sûr, il n'est pas certain que sa demande sera exaucée, eh bien, il n'y a pas mieux pour que l'invocation ne soit pas exaucée, en quelque sorte, en d'autres termes. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut faire attention. Ici, pour l'exaucement de nos invocations, lorsqu'on appelle et lorsqu'on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, quoi que ce soit parmi nos demandes, il faut être convaincu, convaincu qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, va exaucer cette demande. Il faut être convaincu. Il ne faut point avoir de doute. Il faut être convaincu. Et cela est tiré et basé sur un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les savants nous enseignent cela et ils ont tiré cet enseignement directement d'un hadith du prophète où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Udu'u Allah, invoquez Allah wa antum muqinuna bil ijaba » alors que vous êtes convaincu de la réponse et de l'exaucement de cette invocation. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِنٍ. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, exalté soit-il, ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait et insouciant. Donc regardez l'élément illustrant dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Udu'u Allah wa antum muqinun bil ijaba » Invoquez Allah alors que vous êtes convaincus, tout en étant convaincus qu'Allah exauce les demandes, qu'Allah exauce nos demandes. Donc surtout, il ne faut laisser aucune place au doute. Il ne faut pas laisser de place au doute, justement pour voir nos invocations, pour que celles-ci soient exaucées. Donc comme on l'a dit dans cette condition, dans cet enseignement ici, le fait d'être certain ici, d'avoir la certitude. Les savants nous enseignent une autre condition aussi, une condition très importante. Cette condition-là, c'est que lorsqu'on invoque, il faut que le cœur soit présent. Il faut invoquer avec un cœur vivant. Et là, les savants nous disent qu'il faut « hudur al-qalb »« fayakuna da'i hadir al-qalb »« mustash'iran azamat man yad'u »« azamata man yad'u » لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث الذي ذكرناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلبه لا يستجيب دعاء من في قلبه أو من قلب غافل لاهن أو من قلب غافل لاهن ودرسنا هذا في الحديث السابق لما تكلمنا عن اليقين وأن العبد إذا دعا الله عز وجل لابد أن يتيقن وأن يكون موقنا بأن الله جل وعلا يستجيب الدعاء بأن الله جل وعلا سيستجيب دعاءه سبحانه وتعالى وهذا وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لكن قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن ومن هذا استدل العلماء هذا الشرط من شروط الدعاء من شروط الدعاء et de ce fait vous avez vu cette condition. On a dit la présence du cœur. Un cœur vivant lorsqu'on invoque. Le cœur doit ressentir la grandeur et l'immensité de celui qu'il invoque, tout simplement. C'est ça le sens d'avoir un cœur présent, un cœur qui ressent, qui sait, qui connaît l'immensité et la grandeur de celui qu'il invoque. Donc lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être conscient de la grandeur de celui qu'on invoque, à qui on demande, de qui on implore, à qui on demande toutes ces demandes. C'est pour ça, lorsqu'on va se rendre compte véritablement de la grandeur de celui qu'on invoque, de ce fait, on sera de source sûre qu'on peut tout lui demander. À rien, rien ne peut diminuer du royaume d'Allah et rien ne peut vouer Allah à la capacité, c'est-à-dire qu'Allah donne tout. Vous pouvez tout lui demander, subhanahu wa ta'ala. Tout peut être lui demandé et ça ne va pas diminuer du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne serait voué à Allah à l'incapacité. Allah peut répondre à toutes les demandes, comme on avait dit dans l'assise précédente. Si tous les êtres se réunissaient dans un seul et même endroit et tous demandaient en même temps, imaginez-vous des milliards, et même si on réunissait toutes les générations qui ont précédé, et ils se réunissent dans un même endroit et demandent tous au même moment, ça ne pourrait réduire Allah à l'incapacité. Allah pourrait répondre à chacun. Et ça ne va rien diminuer du royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette condition, il faut un cœur qui reconnaît, ressent vraiment la grandeur et l'immensité de celui qu'il invoque. C'est pour cela que dans le hadith qu'on a mentionné précédemment dans la condition précédente, qu'il ne fallait pas laisser de place au doute. Et que le croyant, lorsqu'il invoque, il ne faut pas qu'il ait un doute. Mais il faut qu'il soit certain qu'Allah lui exauce. On avait cité le hadith montrant cela, où le prophète sallam nous dit, invoquez Allah en étant certain de la réponse. Mais aussi dans ce même hadith, ensuite, la deuxième partie du récit, le prophète sallam nous dit, wa'alamu. Et ça sera l'élément illustrant justement ce qui prouve cette condition qu'on vient de mentionner. Alors dans cette condition, le fait que le prophète nous dit wa'lamu anna Allah la yastajib du'a min qalbin lahin. Le prophète nous dit et sachez qu'Allah ne répond pas à la demande d'une invocation venant d'un cœur distrait et insouciant. C'est-à-dire il ne faut pas sombrer laisser place à l'insouciance, à la distraction. Le prophète Hassan nous dit qu'Allah n'exauce pas, ne répond pas à l'invocation d'un cœur qui est distrait et insouciant. C'est pour ça que le cœur ne doit pas céder à la distraction, à l'insouciance, mais le cœur doit être toujours éveillé et ressentir ici l'immensité et la grandeur de celui qui l'invoque, de celui qui l'invoque. Et donc, ça c'était, si je ne me trompe pas, une septième condition qu'on a mentionnée. Parmi les conditions que nous donnent les savants aussi, que nous enseignent les savants, et on se quittera sur celle-ci, et on continuera, inshallah, sur l'évocation de celle-ci dans une prochaine assise, les savants nous disent « Tajannub al-i'tida fi ad-du'a fa innahu subhanahu wa ta'ala la yuhibb al-i'tida fi ad-du'a » كما قال عز وجل في كتابه الكريم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فإنه لا يحب أو إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. Et donc cette condition suivante, les savants nous enseignent d'éviter toute transgression dans l'adoration. Éviter toute forme de transgression dans l'adoration. Pourquoi? Parce que dans un verset, Allah Jalla wa'ala nous enseigne qu'il n'aime pas les transgresseurs. Et Allah Jalla wa'ala n'aime pas la transgression. Et Allah, lorsqu'il a dit Innahu la yuhibbul mu'tadin, certes, je n'aime pas les transgresseurs, il l'a dit, subhanahu wa ta'ala, Allah l'a dit après nous avoir ordonné d'invoquer. Mais dans ce verset, il nous ordonne de l'invoquer, de lui demander avec des qualités précises. Avec des qualités précises. Ensuite, il dit, certes, il n'aime pas les transgresseurs. Il n'aime pas la transgression. Et quelles sont ces qualités précises lors de l'invocation? Allah Jalla wa'ala nous dit, Ud'u Rabbakum, invoquez Allah, tadarru'an wa khufiya. Une traduction rapprochée, hein, du sens du verset, en quelque sorte avec soumission, humilité. Avec soumission, rabaissement, humilité et discrétion, en quelque sorte. Donc regardez, Allah Jalla nous enjoint de l'invoquer avec humilité, soumission en quelque sorte, et discrétion. Et certes, Allah nous dit qu'il n'aime pas la transgression. Donc voilà, on va se quitter sur cela. Donc ça, ce sont des rappels qu'il faut toujours avoir à l'esprit, surtout au moment de l'invocation. Et en parlant de transgression, on parlera plus en détail de cela lorsqu'on va parler du comportement. On va parler du comportement lors de l'invocation. Pourquoi? Parce qu'il y a un comportement à observer. Et justement, veiller à avoir un bon comportement pendant l'invocation, c'est justement éviter toute forme de transgression dans l'invocation. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle al-i'tida fi ad-du'a. Al-i'tida fi ad-du'a. Al-i'tida fi ad-du'a, c'est justement les transgressions, les choses à ne pas faire pendant l'invocation. Et ça, on expliquera plus en détail cela lorsqu'on traitera le sujet du comportement à adopter, à pratiquer lorsqu'on invoque. Et donc ça, c'est des sujets qui sont primordiaux pour la vie du croyant et de la croyante. Pourquoi? Parce que notre adoration, c'est l'invocation. Comme dit le prophète Sam, ad-du'a wal-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc, lorsqu'on invoque, c'est l'adoration. C'est ça l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a le musulman, sa vie est faite d'invocation, c'est-à-dire tout au long de ces instants qu'il vit ici-bas, alors il a toujours besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne cesse de l'invoquer. Lorsqu'il est touché par des épreuves, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il revient vers lui. Lorsqu'il est touché par la maladie, il invoque Allah. Lorsqu'il est touché par des sentiments comme la tristesse, l'anxiété, l'angoisse, la déprime, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve soutien et secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il subit et lorsqu'il vit une situation difficile, il sait que son retour se fait vers Allah et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque moment, lorsqu'il a besoin, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on veut la subsistance et on veut des biens et on veut le bonheur et on veut vivre une vie heureuse, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, l'invocation, ça fait partie de la vie du croyant. Et en quelque sorte, l'invocation, c'est une sorte d'arme que détient le croyant. Il détient quelque chose d'immense. Il détient un bienfait qui est immense, l'invocation. Et tellement que cette invocation et cette adoration est grande, Allah a légiféré des moments où ces invocations, il y a des moments où l'exaucement, la réponse à ces invocations est encore plus confirmée. Plus confirmée. Et de ce fait, le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan. Donc il est bon d'invoquer et ne de jamais désespérer. Combien de gens sont touchés par des épreuves? Ils sont malades? Et la dernière chose qu'ils font, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de la grandeur et de l'importance de l'invocation. Et combien de gens, comme on l'a dit précédemment, ils invoquent Allah, mais ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas sûrs, ils ne sont pas certains qu'ils auront réponse à leur demande. Combien de gens? Et ils ne savent pas, c'est justement avec ces pensées-là qu'ils n'ont pas eu la réponse à leur demande. Si dès le départ on demande et on n'est pas certain qu'Allah Jalla va répondre à notre demande, alors c'est ça justement qui fait partie des empêchements pour l'exaucement de nos demandes. Ou comme ce qu'on avait pris parmi les conditions, le fait que beaucoup de gens s'empressent et sont pressés. Et on avait dit que l'empressement, c'est le fait de dire j'ai invoqué Allah mais je n'ai pas été exaucé. Ça fait partie aussi des empêchements. Ça fait partie des choses qui sont des sortes d'obstacles pour l'exaucement de nos invocations. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut éviter. Et justement, il faut garder toujours un bon soupçon, une bonne pensée envers Allah et être convaincu, ne jamais douter que quoi qu'il arrive, il y aura réponse. Que ce soit sur l'instant ou plus tard. Allah peut retarder la réponse si il y a une raison, une sagesse. Allah détient la sagesse infinie et éternelle. Subhanahu wa ta'ala. Donc lui sait et nous ne savons pas. Allah sait. Et nous ne savons pas. Donc parfois, Allah peut, par sagesse, ici, parce que ça fait partie du bien pour le serviteur, lui retarder. Comme il peut avancer cela. Et tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.